Du vent, de l'air, du feu, de l'eau et du plastique. Cette semaine, on a maté le cinquième élément et on en parle tout de suite. Alors, ma flamme, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée au cinquième élément de Luc Besson. À mes côtés avec moi ce soir pour en parler, Greg. Bonsoir. Mickaël. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Julie. Bonsoir. Et un invité cette semaine, Mimi. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler du cinquième élément de Luc Besson, sorti en 1997 de 126 minutes avec Bruce Willis, Mila Jovovich, Liam Holm, Gary Oldman et Chris Tucker. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Voilà, 126 minutes de musique diabolique. Là, t'as vraiment pris la meilleure bande-annonce. Hein. Alors, figure-toi que la bande-annonce VO, VF, c'est juste de la musique, ils se sont vraiment pas fait chier, quoi. Le mec qui fait le film, il fait « Ah, c'est bon, j'ai assez monté d'images, là. » Mais en plus, elle est un peu moins nulle que d'habitude, la musique. Ah bon, tu trouves ? Un peu. Attends, mais ça, c'est pas de la musique d'Eric Serra, hein ? Non, c'est de la musique de bande-annonce. Ok, j'ai vu. Dans bandeannonce.com, en fait. C'est plein de, t'as le choix. T'as une base de données, il y a de la bossa nova, il y a de ça. Donc voilà, c'est une bande-annonce qui permet pas du tout de comprendre le film. C'est un. Effectivement. Non, c'est pas très grand. On dirait mon résumé tellement que c'est. Est-ce que vous avez aimé le cinquième élément, messieurs dames? Et je vais commencer par Mimi. Oui. Voilà. Merci, au revoir, bonne soirée. C'est un de mes films préférés, mais aussi un plaisir semi-coupable puisque c'est un de mes films préférés car je le regarde depuis que je suis gosse, donc avec très peu de discernement. Mais j'étais très contente de le revoir, ça faisait un moment. Je l'ai vu en VO pour la première fois et je préfère la VF, sans surprise, puisque j'ai été habituée à la VF. Et perso, j'ai toujours passé un bon moment, mais j'avoue avoir remarqué des incohérences qui ne m'avaient pas sauté aux yeux quand j'avais 10 ans. Ah bon, il y en a, c'est vrai que la VF est très bonne, hein, par contre, ça, faut bien le lire. Hein. Julie. Alors moi, je vais être dans ta team, j'adore le cinquième élément. C'est vraiment un de mes films préférés depuis que je suis gamine. Je n'avais pas pu aller le voir au cinéma car j'étais trop jeune à l'époque et j'avais eu la cassette. Je pense que je l'ai usée tellement je l'ai regardée. Et je vais peut-être défendre ces incohérences parce que je trouve ça plutôt bien fait. Parce que j'adore les incohérences et je trouve que ça fait vraiment la force de ce film. Ah, les scénarios non, mal écrits, moi j'adore ça. Très bien fait, voilà. J'adore. Et puis je suis amoureuse de Bruce Willis. Mickaël. Moi aussi je suis amoureuse de Bruce Willis. Je te vois à guerre, Mickaël. Bah, en fait, moi d'habitude j'aime pas Luc Besson. Et bah là c'est comme d'habitude. J'ai pas aimé. Non mais enfin, entre les monstres en plastique, le poulpe en latex bleu qui chante de l'opéra, la musique d'Eric Serra, c'est My Way. J'ai reconnu. La musique d'Eric Serra, c'est un enfer. Il y a juste les costumes de Jean-Paul Gaultier que je trouve assez cool. Ça m'a rappelé la Gay Pride de ce week-end d'ailleurs. Non, sinon je trouve ça. Alors pour la petite anecdote, je l'ai vu à sa sortie. Déjà, ça fait plusieurs films de 2 heures de perdu que j'ai vu à sa sortie, dont Citizen Kane, ce qui me fait peur. Je l'avais vu en simultané parce qu'il avait fait l'ouverture du Festival de Cannes. Tu l'avais vu au Festival de Cannes? Non, j'avais vu en simultané. Je t'ai invité, bien sûr. Je me mettais les mines à l'époque déjà, sur les yachts. Avec tous les mecs de Canal. Et à l'époque, j'avais bien aimé le film. Alors, c'était sûrement lié au fait que j'avais 13 ans. Mais en le revoyant, pour le coup, je m'attendais justement à me dire c'est sans doute le seul Besson que j'aime. Et en fait, non, j'en aime aucun. Greg. Ouais, c'est sympa ce qu'il a fait. Hein. Ouais, c'est sympa. Non, franchement, c'est bien. Non, c'était un peu, c'était un peu dur. Hein, mais la deuxième heure, c'est dur, hein. Non. Ouais, bah non, mais même à partir du, en fait, à partir du premier monstre, c'est dur, quoi. Tu vois, c'est ça le problème, quoi. À partir du moment où t'es un monstre. Mais après, je reconnais qu'il y a des originalités, hein. Franchement, mettre de la musique de la musique du rail au milieu d'une scène, au milieu d'une scène de bagnard, c'est quand même du jamais vu. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est du jamais vu. Et ça, faut reconnaître quand même prise de risque, ouais. Raté, mais prise de risque. Il y en a beaucoup, hein, dans ce film. Eh bien, je vais être entre les deux. Puisqu'il s'avère que ce film a très longtemps été dans mon top 10. J'adorais ce film. Non, mais vraiment, j'adorais ce film, quoi. J'ai eu mes premiers émois sexuels sur Mila Jovovich dans ce film. Voilà. Je sais pas si c'est le bon endroit pour le dire. Moi, c'était sur Bruce Willis. Non, j'adorais ce film. Je l'ai pas, je l'ai jamais revu. Et là, je l'ai revu. De rien. Et là, j'ai basculé voilà. dans la team grecque. Non, le vrai problème, déjà, c'est la musique. J'ai jamais vu une bande son aussi incompatible avec un film. J'ai trouvé ça mauvais. Mais je suis pas d'accord non plus. Ah, mais déjà, je suis pas fan d'Eric Serra. Mais alors là, putain, c'était. Pas terrible, et il y a plein de trucs qui ont mal vieilli, non ? Vous trouvez pas ? Non ? Non, pas. À peu près, je demandais à Thomas, il est discret, il nous a pas donné son avis. Alors Thomas Hercouette ? Moi, j'ai bien aimé. Oui ! Merci. Non, mais tu l'as revu quand ? Bon, il y a 20 ans. Bon, bah, c'est pour ça ! Non, mais en vrai, il est rigolo, enfin, il y a quand même un truc artistique un peu stylé, et puis franchement, Chris Tucker, ça fait toujours plaisir, on va pas se mentir. C'est vrai. Très maline, même dans le scénario, on va y venir. Bon, ça, là, on va avoir du boulot là. On va avoir du boulot là. Qui résume l'histoire ? Eh bien, moi, je sais. Ben, moi aussi, je sais. Celle qui nous l'a imposé ou proposé, hein, selon. Imposé. Mais... selon votre. Il y avait clairement pas de. Il y avait pas de choix B. Il y avait choix A, le cinquième élément. Choix B, se référer au choix A. Donc, je voulais imposer. Donc, je peux le résumer. Tu me coupes si c'est pas bien fait. Bon, Mickaël, c'est ma première. Alors là, je suis là pour te soutenir. Mickaël est batté. Mickaël est mon spécialiste dans le domaine. Très bien. Alors, on commence en Égypte, en 1914. Jusque-là, ça a l'air vraiment d'être très, très précis comme résumé. Généralement, ça dure... Ok, en gros, on est au début du XXe siècle. Il y a un archéologue dans une pyramide qui trouve un truc comme quoi il y a quatre éléments et au milieu, un cinquième. Et quand le mal incarné descend sur Terre, c'est le cinquième élément couplé aux quatre qui pourra sauver la vie, puisque le mal est là pour défendre la vie. Donc, on comprend que le mal va arriver 300 ans plus tard. Ce qui tombe bien, puisque après on jump directement, du coup je vais vite. 300 ans plus tard, dans le nouveau New York. Moi j'ai eu une version où il y a eu les 300 ans au milieu. Ça a été très long. C'est dans 7 heures, ouais. En 2263, donc nous en sommes là. Tout à fait. Et on découvre Bruce Willis, Corbin Dallas, un ancien major reconverti en chauffeur de taxi. Est-ce qu'on peut dire ancien Marines finalement ? Il est ancien Marines, mais d'un côté, moi, c'est si je peux mettre une critique positive, c'est le seul truc qui est cohérent, c'est que Bruce Willis sauve le monde comme d'hab. Quoi, tu vois. Au moins, c'était pas trop déboussolé. Quoi. Spoiler. Par contre, il va falloir m'expliquer le saut Marines taxi en fait. Ça, au niveau du CV, c'est quand même bizarre, non ? On est d'accord. Bah, alors, ils disent à un moment. Bah, dans Taxi Driver, c'était pas un vétéran. Et ben voilà. Taxi Driver ? Oui, ouais. C'est vrai. Tu sais, un film sur deux, Luc Besson, il fait Taxi Driver. Hein. Léon, il avait fait la même chose. Là, c'était pareil, quoi. Donc, il conduit des taxis qui volent, puisque à New York, on n'a que des voitures qui volent sur des milliards et des milliards d'étages. Mmh. Et il a, pendant une course, il a une go rookie qui lui tombe dessus. Une go dans la gova. Yes. Et là, donc, au lieu de la foutre dehors en disant casse-toi de mon taxi, cette junkie, bah non, il fait ah bah tiens, bah reste là. Je dirais surtout au lieu de faire un constat, quoi. C'est quand même défoncé, quoi. Et donc, ils vont un peu sauver le monde à deux. Ouais, là, on va faire ils sont pas que deux, hein, pour sauver le monde. Hein. Ils sont au moins quatre. Enfin, c'est quand même un scénario génial, c'est-à-dire qu'il y a une boule de mal, une énorme boule, enfin moi je le résume autrement, il y a une boule de mal qui se crée et pour empêcher la boule de mal, il va falloir trouver 5 pierres et faire une danse autour, quoi. En fait, c'est ça le truc. Quatre pierres, c'est vrai que le cinquième élément n'est pas une pierre. Ouais, bon, c'est une pierre. Il passe beaucoup de temps Gary Oldman à dire 4 pierres, donc c'est quand même facile à retenir. Ouais, non mais globalement j'ai bien compris ce film, hein. Ça je peux vous l'assurer. Écoute, en le revoyant, je l'ai moins compris que ce que je pensais parce qu'il y a vraiment deux ou trois storylines. Il y a des subtilités. Pourquoi ? Le film s'ouvre au début du XXe siècle. Nous sommes en Égypte. Sur des fouilles archéologiques avec la fameuse phrase Aziz Lumière. Ouais. Ouais. Culte devenu culte un petit qui peu. Qui est devenu culte, effectivement. Et on est aussi avec Dylan de Beverly Hills, quand même. Ouais. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais. Oui. Je oui, est-ce que je l'ai vu. C'est Luc Perry. Quelle classe. D'accord. Tu l'as vu à 9 ans dans Beverly Hills. Et alors, c'est l'assistant d'un archéologue qui est en train de déchiffrer le scénario du cinquième élément au mur. Il était déjà écrit. Qui est grossièrement gravé en hiéroglyphe. Et là, normalement, une femme tombe dans un taxi. Oh, bah, il y a Maguen en poulpe bleue. Certainement une scène d'opéra, je n'arrive pas bien à déchiffrer. Avec de la techno bizarre derrière, c'est bizarre. Ah oh bah c'est Eric Serra. Bah oui, comprends mieux. C'est la jaquette en fait. Et donc là arrivent les extraterrestres les plus fat et les plus lents du cinéma, alors, plus lents que E.T. Alors ouais, il y a vraiment un parallèle entre eux et les E.T. C'est-à-dire que ils sont censés avoir une technologie de dingue, mais ils vont à deux à l'heure. C'est comme E.T. quoi, tu vois, au bout d'un moment. C'est surtout qu'ils laissent leurs compatriotes sur Terre sans s'en préoccuper, comme E.T. d'ailleurs. Ouais, putain. En même temps, ils avaient pas l'air très préoccupés par le fait qu'ils se sacrifiaient. Et ça a l'air habituel chez eux. Non mais c'est typiquement la civilisation, tu sais, genre qui va à deux temps, ce qui a l'air méga défoncé, mais comment ça se fait qu'il il est supérieur à l'humain. Non, mais parce qu'ils sont là depuis genre avant que l'univers soit l'univers. Bah putain, ils sont là depuis vraiment longtemps parce que je sais pas si t'as vu la vitesse à laquelle ils vont déjà pour construire un vaisseau, mon pote. C'est 60 ans. Surtout qu'ils tuent un mec en l'hypnotisant. Ils font voler la grande statue du cinquième élément, mais le mec il est pas capable d'accélérer à plus de 2 km/h. C'est vraiment le magicien de merde. Regardez, je fais plein de tricks et tout. Merde, je vais crever. Oh bah tant pis. Une question que je me pose, c'est ils sont conçus en fait, c'est pas des êtres naturels, ils sont en métal, on est d'accord, non? Bah, ils ont une armure. Ils ont même... bah, toi aussi, t'as été conçu, Michael. Ils ont même une petite loupiote. Non, mais ça veut dire... n'a pas été apporté par la cigogne. Julie, qu'est-ce que tu disais? C'est très important, c'est un détail important. Je sais important. Que ça avait une petite loupiote au niveau des parties génitales. Attends, on va le refaire parce que Michael t'a encore coupé. Je vais appeler ma maman, attendez. Ouais, moi en fait c'est le premier moment où j'ai eu peur, c'est-à-dire que c'est quand il y a le vaisseau qui arrive et je me dis oh là là, qu'est-ce qui va sortir du vaisseau, et bon bah, ça loupe pas, il y a un espèce de machin qui fait une démarche comme ça. C'est un robot moitié tortue moitié tatou, c'était pas possible. Mais d'ailleurs il a une démarche de E.T. parce que E.T. c'est pareil, il avait les jambes de l'équivalent, c'est les tyrannosaures, et donc tout petit bras. E.T. il a des tout petites jambes et du coup il marche comme des trucs super galères. Quand il boit sa bière, il atteint pas la table basse avec ses jambes. Mais ceci dit, en tout cas, s'ils ont été conçus, ils ont été mal conçus parce que tu fais un truc à roulette quoi. La lenteur du machin, tu fais un truc un peu plus pratique quoi. Non, enfin, ce que je comprends pas, c'est que s'ils ont été conçus, pourquoi ils les ont conçus gros en fait? Mais ça surtout. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, bah je vais les faire athlétiques quoi, mais non, en fait, ils sont obèses. Bon, Gérard, on va les faire imposants là, ouais, fais les fat, hein. Faut vraiment que les gens flippent. Et surtout, du coup, il se retrouve pris au piège dans la salle où il y avait les pierres, et donc je me dis, il tend le bras, il donne la clé comme ça avec son doigt. Mais en fait, il est toujours vivant à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il est devenu des années plus tard? Est-ce qu'il y a un mec qui est venu nettoyer? Surtout qu'on ne le voit pas à la fin. Bah oui, c'est ça. Peut-être qu'il y aura une suite où ils vont ouvrir la pyramide et il sera toujours là. Mais un mec qui est venu nettoyer, t'as dit? Mais non, mais... Il faut rentrer chez vous maintenant, là, monsieur. Ça va fermer. L'autre con qui est bloqué de sa clé. Moi, il y a deux trucs que je comprends pas. C'est déjà pourquoi le curé est dans la confidence. Pourquoi on choisit un curé qui a l'air complètement barjou en plus? Parce que tu sais, t'as trop pas confiance en lui. Ouais, mais il fait trop flipper. Au moins, t'en prends un qui a l'air sympa, quoi. Je sais pas, un mec qui... Après, ils transmettent le truc de génération en génération, c'est ça, en fait. Et ma deuxième question aussi, c'est... Enfin, ils sont censés venir prendre les pierres parce que la guerre va éclater pour les protéger. Mais elles sont pas bien, là, dans la pyramide, avec la clé qu'il y a que là, tu vois. Elles sont parfaitement bien protégées. Non, parce qu'ils se barrent pour prendre les pierres pour mal les rendre 300 ans plus tard en se faisant niquer par d'autres manos, quoi. Tu sais, la personne savait qu'elles étaient là et tout. Ils ont vraiment tout raconté. Mais je veux dire, il allait rien se passer. Les Allemands n'allaient pas arriver, genre en 1914 en Égypte. Genre, attendez, allez chercher les pierres. Franchement, les gars, c'est jamais de mauvaise foi parce que c'est quand même un mur qui est un peu en papier mâché, quoi. Enfin, si on veut, on peut le détruire, on peut le faire sauter. Donc en vrai, il y a quand même une raison pour enlever ces pierres. Bah, pas avec le scénario de 5ème élément dessus. Est-ce qu'on peut avancer de scène? Bah non, parce que qu'on est sur la scène du passé. J'ai été super vite et maintenant, ça fait 15 minutes qu'on est sur l'intro. Et surtout, j'aimerais bien, excusez-moi, je te vole la priorité, dire que c'est un film quand même où il y a un robot, enfin un alien qui meurt parce qu'il a plus de main. Mais par contre, quand on se crache et qu'on retrouve une main, on peut en refaire un être humain. Oui. Enfin, c'est clairement implacable comme logique. Alors, tu vois, commences à être méchante, Julie. J'aime bien ça. Moi, j'ai juste une question, c'est pourquoi il y a autant de gamins au début dans l'entrée de la pyramide? Bah, c'était la main d'œuvre d'époque. Attends. Ah oui. Bah d'ailleurs, c'est parce qu'il faut savoir que dans 2 heures perdues, parce que là, il y a l'image. Mais d'habitude, il n'y a pas l'image. C'est des gamins qui tiennent le micro. Ils s'endorment aussi. Ouais. Les enfants qui tiennent comme ça les micros. Sébastien. Parce qu'on n'a pas de table. Donc ensuite, ellipse incroyable. On se retrouve dans le futur où le président, c'est un chanteur de soul. C'est Guillaume Canet qui doit être content. Puisque ces films sont pleins de soul. Et là, c'est l'attaque de la méchante planète. Toi, tu l'as appelé boule de mal. Moi, je l'ai appelé la boule de mal. Moi, j'ai planète méchante, mais c'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ouais. Et donc, alors, il faut savoir que le méchant de ce film est une planète. Ouais. Voilà, c'est du jamais vu. Oui, c'est pas banal. Et c'est surtout que, excusez-moi, mais ils sont dans un vaisseau de l'Empire de Star Wars. On dirait exactement les mêmes designs. Ouais, là, c'est parce qu'il a repris, il a fait des cuts en fait de Star Wars. T'as pas remarqué quand tu dis Chewbacca quand même, ça t'a pas mis la puce à l'oreille. Ah, mais bien. Petite anecdote par rapport à Star Wars. En fait, il y a Jean-Claude Mézières qui a travaillé sur le cinquième élément officiellement. De Charleville. Vous savez. Pardon. Voilà. Donc, tu la laisses parler, toi, pour dire tes conneries, là. Et en gros, Luc Besson a proposé donc de le faire bosser légalement, contrairement à George Lucas, qui lui s'était emparé de plusieurs idées, images, sans jamais lui payer. quoi que ce soit. Pouin, voilà. Salaud. Donc, Luc Besson est plus sympa que George Lucas. Voilà. Il est plus sympa aussi parce qu'il a donné des cheveux à Bruce Willis. Et ça, c'est plutôt cool. Il lui a donné des cheveux jaunes. Et il a donné du travail à Samina Seri. Là, on a le droit à une attaque. À Mathieu Kassovitz. Et à Mathieu Kassovitz aussi. On a le droit à une attaque pilotée par téléphone par le président lui-même. Ça, c'est courant. Hein. Je veux dire, oui. Obama, il gère tous les bombardements. Quoi. Il fait allez à gauche. Ah oui, à gauche. Ça fait quoi? Ça pétait? Ok. Cette scène, elle a aucun sens. Quoi. Avec le président Israël qui est là, c'est une boule de mal. Je veux dire, c'est pas Jean-Michel. Là, on fait appel au président pour la boule de mal. Ah bah oui. Bah ouais. C'est une boule de mal. Encore la chance qu'il n'ait pas pris un avion pour la boule de mal. Parce que dans Independence Day, ils font ça. Et là, alors, il y a un truc qui se passe qui est assez incroyable, c'est que la boule de mal, bon bah visiblement, quand tu tires dedans, bah ça la fait grossir. Ah oui. Ah oui, mais il y a une raison pour ça. Le mal engendre le mal. Absolument. Et ça, c'est bien trouvé, j'ai envie de dire. Parce que ça, c'est du génie. Si ça, c'est pas du génie dans le scénario. Écrit ça sur un coin de table le soir, un peu reboot. C'est putain, c'est génial. Ça, je vais le noter sur la nappe. Le mal engendre le mal. Là, on tire dessus, après la boule grossit. Putain, parfait. Et là, ce qui est trop marrant, c'est que le président, il fait. Putain, ça marche pas et tout. On a recours à quoi d'autre? Il y a pas d'autres missiles et tout. Et là, t'as un prêtre qui arrive avec un bouquin où il y a juste des images et il fait c'est la légende. il raconte un truc, mais c'est genre le bouquin de la 9e porte. Eh oui, c'est ce que j'allais dire. Je vais voir. Le gars, il est méga chépère. Il sort un espèce de grimoire où il y a que des images. C'est genre c'est une époque où on écrivait rien. Il y avait que des belles images. Le bouquin, il est tellement vu qu'il y a moyen que les pages s'effritent au moment où il les tourne. Et là, le vieux, il raconte une histoire, mais un truc pas possible. Genre, il faut les 4 pierres avec le 5e élément et tout. Et là, personne se dit bon bah dégagez-moi le zinzin. Là, le président, il fait. J'ai un doute. Bon, il faut absolument qu'on récupère les pierres. C'est devenu la top priorité. Bah, mec, on va peut-être essayer d'autres méthodes contre la boule de mal. Là. Au début, il doute un peu, mais après, pendant tout le long du film, il y a zéro doute. Quoi. Sinon, on va chercher les pierres, quoi. Vraiment. C'est surtout qu'il y a les Mondoshawan qui arrivent. Oui, les Mondoshawan, oui. Absolument. Alors, les Mondoshawan, c'est les mecs fat, là. C'est les gros, ouais. C'est les gros, ouais. Les gros du début. Ça va être le début. Selon la légende, les Mondoshawan vont apporter les pierres pour les sauver autres, le monde. Et là, bim, allô, ah oui. Monsieur le Président, il y a un vaisseau Mondoshawan. Qu'on fait une bonne saison en NFL, là, d'ailleurs, cette année. Et donc, ils arrivent pour nous apporter les pierres au moment où la planète, elle commence un peu à faire chier. Ça tombe bien. Mais il y en a un autre qui fait chier, c'est Zorg, parce que alors lui, il a commandité les extraterrestres ultra moches. Alors là, médaille d'or de la mocheté d'extraterrestres. Ouais. C'est costume 2000, hein, Greg, c'est ça, non? Ça, c'est costume 2000 qui a fait ça. C'est moi, je vous trouve 2000 un peu qui dur. A géré de A à Z. Hein. Costume 2000. Parce que pour 97, moi, je trouve ça plutôt bien fait. Pareil. C'est vrai que King Rising, qui est sorti bien plus tard, utilise les mêmes costumes. Oui, c'était recyclé. Et il faut savoir que les masques, ils ont des trous au niveau des yeux. Donc ça implique. Non, laisse-moi finir. Il y a des masques qui n'ont pas de trous au niveau des yeux, Greg. Hein. Ouais, c'est vrai. Ça implique du maquillage. C'est les monstres qui se déplacent avec une canne et des lunettes. Et du coup, pour éviter d'avoir à maquiller trop de figurants et trop de grosses bébêtes, la scène de l'attaque de la prise d'otage, ils leur ont mis des lunettes. Je ne sais pas si vous avez vu. Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça. Voilà, c'est parce qu'ils ne voulaient pas tous les maquiller. C'était un peu chiant, je pense. D'accord. J'ai pas vu, mais heureusement que j'ai pas vu. Ensuite, nous arrivons dans l'appartement de Bruce Willis qui est tout seul chez lui. Ouais, on fait la petite visite, il écoute du funk. Là, je fais un point positif. C'est cosy chez lui. C'est hein. du funk, ça. Ce film a au moins le mérite de créer un univers. Et l'univers de l'appartement de Bruce Willis et tout, il est ultra cohérent. Je trouve cette scène super. Ouf. Il y a des détails dans tous les sens. En fait, non, il réinvente l'univers de Blade Runner. En fait, il n'invente rien. Quoi. Ouais, il le reprend. Mais tu vois, je sais pas, il y a quand même un truc où cette scène-là, je fais putain. Au niveau des intérieurs. Je pense qu'il a quand même tout pour faire la soupe. Alors, au niveau des extérieurs, mais de toute façon, c'est assumé que c'est un hommage à Blade Runner aussi, puisqu'il y a même un acteur de Blade Runner. Ah bon? Bah oui. Lequel? C'est Brian. Ça c'est pareil. Brian James, c'est genre, je crois. Bon, c'est pas grave, Brian James, on ira chercher plus tard. On va vous chercher chez vous. C'est le général et c'est le premier. Celui avec la barbiche. Tu sais qu'il y a aussi Jacques Villeray pour une référence à la soupe aux choux. Non, mais ça c'est pareil, tu sais, t'as pas peur qu'on dise que t'as copié. On va prendre un acteur du film, puis on dira que c'est un hommage. Là où il a pas vu juste, par contre, c'est pour le téléphone portable, parce que ça il a pas vu. Tout le long du film, ils décrochent des cabines téléphoniques, quoi. Oui, il y a un futur où écrans cathodiques ont un peu disparu. Il n'y a pas trop d'écran non plus dans le film. Il y a des super idées. Enfin, l'idée de la clope, genre inversée. Voilà, très bonnes idées. Ouais, c'est cool, très bonnes idées. On aurait pu en venir là s'il n'y avait pas eu la vapote. du coup. Et alors, on a trouvé les vestiges du vaisseau. Figurez-vous qu'on a retrouvé une sorte de scarabée crevé. Là, moi, je vois ça. J'ai vu une espèce de grosse bestiole morte. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, tu sais. Et alors là, on explique comment on va pouvoir ranimer cette espèce de main morte. Encore un monstre de la nature. Oui, le rencontrer me ravit. Par ici, mon général. Excusez-moi. Voilà, général, que je vous explique. Ça, c'est une chaîne ADN humaine normale, d'accord? Vous, moi, le premier venu. Et maintenant, regardez. Les éléments qui composent sa chaîne ADN sont les mêmes que les nôtres. Ils sont simplement plus nombreux et compactés, dotés d'un savoir génétique infini, comme si cet être était le produit d'une haute technologie. C'est dangereux? Non, nous l'avons passé au détecteur d'anomalies cellulaires. Cette cellule n'a pas le moindre défaut. Elle est parfaite. D'accord, allez-y. Mais ce monsieur parfait a intérêt à être poli, sinon j'en fais de la pâtée pour chat. Activation. Voilà, donc là c'est la séance de réanimation. Donc si vous avez bien entendu, on a retrouvé une sorte de truc qui permet de réanimer à partir de quelques chromosomes. Le scientifique explique qu'il y a beaucoup plus d'ADN que d'habitude, bien plus de chromosomes. Ouais. Alors en temps normal ça fait une méchante trisomie, là ça peut être parfait. Et là du coup ça fait... Et donc ça aurait été marrant. Là, ça fait Mila. Là, ça fait. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est très pratique. On a tous envie de faire le débile, mais on n'ose pas trop. Toi, je sais que ça te démange. Ah, alors, je t'ai mis un peu en danger en me disant, j'ai mis faire une pause le temps que Michael fasse le débile. Et alors là, en fait, il y a une machine qui va recréer la vie. Alors à l'époque, je trouvais ça vraiment incroyable. Mais non, mais elle n'existait pas cette machine en vrai. Hein. Oui, ben non, mais non, mais je te le dis parce non, que là, t'as... en termes de voilà, d'image de synthèse et de création artistique. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'une fois qu'elle a créé le machin, il y a un truc qui va se fermer. Tu sais qu'on voit pas Mila Jovovich à poil le temps que ça mette les bandes et tout. Et au moment, ça s'ouvre. Et tu sais, ils disent c'est la créature parfaite. Et je m'attendais à une dinde ou une truite, tu vois. Tu sais, qu'est-ce qui dit que c'est une femme, tu vois. Tu sais, ça pourrait être un truc nul, tu sais, genre un chaton. On est bien niqué là. Ouais, il faut que les fans m'expliquent en fait, parce que je comprends pas. Parce que du coup, ils retrouvent une main de Mondo Chawan, on est d'accord. Non, la main du cinquième élément, pas de Mondo Chawan. Elle a l'armure. Non, c'est la. Ah bon, bah c'est, non, pour, c'est ça que j'avais pas compris. Alors, c'est bon. La, c'est une partie de la grosse statue que t'avais. Ok, c'est ça que j'avais pas compris. Ok, non, bah c'est beaucoup plus clair. Je retire tout ce que j'ai dit avant, en fait. Je te demandais, quand même. Non, mais c'est quoi la main machin là? Qu'est-ce que c'est que cette main? C'est sa vraie main, la meuf? Bah, je pense que c'est une partie de la statue que t'as vu passer au début qui est dans les ruines et donc tu récupères un peu l'ADN. J'avais pas compris. C'était un sarcophage, en fait. Non, mais en vrai, ce qui est quand même. Tu vois un morceau d'os qui sort du truc? Mais oui, c'est le sarcophage du début. Ah oui, bah oui. J'avais pas compris non plus. Ah, mais j'ai rien compris. Bon, on annule le film. Mais c'est pas Bruce Willis, le cinquième élément. Ah putain. Non, c'est... Alors donc c'est une bonne nouvelle hein, pour tous les amateurs de cinéma et de femmes, puisque le cinquième élément, ça va être une meuf à moitié à poil avec des cheveux orange et habillée par Jean-Paul Gaultier. Ouais. Et alors elle est bien cool. Tout le monde habillé par Jean-Paul Gaultier. Ah bah c'est l'être parfait. Hein. Ouais. On fait un petit mot quand même sur la scène de la reconstruction, parce qu'elle est quand même. Ben, tu vois, je sais pas, même si t'aimes le film et quand tu le revois, elle est dure quoi. T'as vraiment l'impression d'être dans Second Life, tu vois. C'est vraiment. C'est de l'image de synthèse 2000 quoi. Pour le coup, c'est vraiment 2000 quoi. Non, vous trouvez pas sûr. Bah non, je dirais 97. Ouais, 97. Ouais. Non, moi je trouve ça pas mal, hein, franchement. Non, c'est... Moi, je trouve ça parfait. Moi j'ai une question pour Julie. Oui. Est-ce que ça va? Ça va. Alors, c'était bien ton week-end. Comment va ton cousin? Tu sais qu'on l'avait vu la semaine dernière, il est super. Oh, il est sympathique, Thibaut, c'est ça. Non, en fait, t'as toujours un peu des accessoires ou des habits à l'effigie des films. Je voulais savoir pourquoi t'as pas mis tes bandes. Tu les avais la dernière soirée, là. Pourquoi tu les as pas mises? Parce que j'ai demandé, parce que ma mère m'a dit qu'elle allait probablement regarder ce podcast et j'avais pas trop envie de. Voilà. Ah oui, d'accord. Maman. C'est pour ça, bah, t'as vu, j'ai mis un pantalon cette semaine. D'habitude, j'enregistre en slip. C'est vrai. Donc là, c'est l'évasion la plus pratique du monde puisque les murs sont en aluminium. Mais alors, pas la matière aluminium, hein. Le papier d'alu cuit. Couleur cuivre. J'ai cru qu'on allait voir un saumon en papillote derrière. Non, mais attends, la nana, elle est là, elle fait merde, on va me capturer. Elle court, bah t'as une chance sur deux de te prendre un méga mur et de te faire très mal. Et là, elle court comme ça, et elle passe dans le mur. Tu te dis, mais normalement, tu te casses les doigts. C'est... Et là, en fait, il a l'air vraiment con le cinquième élément là. Et donc là, poursuite avec les flics. Alors, est-ce que vous avez remarqué un point commun parmi tous les flics dans ce film? Ils sont tous en caleçon. Ils sont tous gros. Ils sont tous très gros. Alors, non, c'est leur armure. Ça, c'est le truc d'examen dans la police. C'est. Bon, faut que tu sois un peu plus fat. Dans la voiture qui va à McDo, il y en a un gros et un pas gros. Ah oui, c'est vrai. Il est semi-gros déjà, l'autre qui est à côté. Ouais. Il est musclé, c'est pas pareil. Et surtout, il a une ossature, ok. Ah, c'est ça que je confonds. C'est ça, alors. Et d'ailleurs. Mais ça, c'est pas des os. Je te dis que c'est pas des os ce que t'as devant le bide. Vous savez que ce flic est dans la voiture. Vous savez que ce flic dans la voiture, quand ils sont devant le McDo, là, déjà, c'est un acteur qui s'appelle Mac McDonald. Non. Je tenais à vous le dire. Si, si, je vous promets. Ah, d'accord. Et en plus, tu n'as pas dit le gars, c'est Mac. Le gars, c'est Mac. McDonald. Et en plus, je ne sais pas s'il y en a certains qui sont familiers avec la série Red Dwarf de la BBC en 88, mais il jouait dedans. Voilà, il jouait le capitaine Ed Hollister. Pour les fans. Exactement. C'est toujours le racisme primaire de Luc Besson envers la police. Non, mais ça c'est vrai. Trop, la police. Dans tous les films, ils prennent vraiment tarif. Mais ça, c'est ultra démago, à mon avis. Alors que moi, je suis pour un état policier. Ouais, bah moi aussi, moi aussi. Et je pense qu'il fait de la démago parce que lui aussi, il aime bien les Je suis sûr qu'on peut le trouver à nuit debout, Luc Besson. Et alors, donc, elle va s'enfuir, elle va sauter d'un immeuble. Hein, Et là, c'est quand même la scène d'anthologie. C'est-à-dire, moi, je l'ai appelé la fuite avec la musique vraiment chelou. Je sais pas si. Alors, attends. La belle fuite, le beau saut. Juste avant la musique, elle saute en fait, et donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va tomber dans le taxi. Bah, coup de chance, hein. D'un ex-militaire célibataire dépressif qui a plein d'armes chez lui. Ben ça sent pas bon. Non, mais la différence, c'est la moitié à poil aussi. Surtout, attendez, attendez, moi j'ai noté, si je me jette comme ça, mais je meurs en fait. Ben, que oui, n'importe qui, hein. Ou pas, le toit est très friable. Le toit est très friable. Il faut savoir qu'elle a pas une égratignure. Mais c'est le cinquième élément. Ah ouais, excusez-moi. Ben ça l'empêche pas de douiller un petit peu après quand même. C'est vrai. Oui, ce film est incohérent. Je rechange d'avis dans l'autre sens. Et alors, il pourrait s'énerver en disant t'as pété mon taxi, sale junkie, mais non, parce qu'elle va faire big bada big boom. Ouais. Et du coup, il a l'air genre ah lol. Un mec, elle a démonté ton taco. C'est vrai que moi, je vois une espèce de punk à chien qui saute. Ça aurait été marrant qu'elle saute avec son chien. Une punk à chien qui saute dans mon allez, taxi. Allez, Vali, allez, saute, merde. Et là où Bruce Willis a beaucoup de temps là pour la sauver et commencer la course poursuite, il va plutôt d'attendre d'être accroché par les flics pour commencer la course poursuite, histoire d'être bien éclaté en plus le taxi qui ne lui appartient pas. Et donc là, c'est vrai que c'est une course poursuite. Course poursuite 1, 2, 3, 5. Il a pas vu les Uber aussi, Luc Besson. Elle aurait pu tomber dans un Uber finalement. Ouais. Volante. Ça aurait été pareil avec des petites bouteilles d'eau quoi. Ouais, là, big, bada, big, bah prendre cristalline. Ouais. Et cette scène, même si c'est pas officiel, il y a, je sais pas si vous avez vu le film Metal Hurlant. Il y a une partie de Metal. Est-ce que ça le dessin animé en fait. Ouais, de la version de, je crois que c'est 81. J'ai vu la version de 77. Mais du coup, je sais pas si t'as remarqué, il y a un moment qui s'appelle Harry Canyon et c'est un chauffeur de taxi avec des voitures volantes qui rencontre une nana. Enfin, ça y ressemble beaucoup. J'ai pas de souvenirs de ça. Bah écoute, tu le reverras. D'accord. Et vous le reverrez. Si bon, est-ce qu'on peut parler de la musique Rai maintenant? Parce que c'est un 2, 3 soleil et c'est maintenant. Avec une course poursuite, avec des explosions et tout. Mais ça la rend toute nulle en fait. Non, elle est trop bonne. Non, Greg, ça la sublime. Je suis pas d'accord. T'as rien compris. Non, mais ça change des musiques de Dave. Mais ça, c'est vrai que ça change. Ça lui donne un rythme. Moi, je trouve ça vraiment. Ça change. Moi, je pense que vous êtes un peu raciste. Et ça donne un petit second degré, un petit décalage. Moi, je suis pour. Je pense que c'est fait d'exprès. C'est bizarre qu'on l'ait jamais refait après alors. Bah le rail sur deux. Dans Fast and Furious, il n'y a pas de rail. On ne pouvait pas le faire mieux. Fast and Furious, c'est un zéro rail. T'as remarqué, dans Citizen Kane, il n'y a pas de rail non plus. Il n'y a pas de rail non plus. Tous les grands cinémas n'utilisent pas le rail. Tu veux faire une bonne course poursuite, tu n'utilises pas de rail. Mais oui, normalement, c'est des tout. Ouais, tu mets des booms quoi. Sauf bon. Et là, par contre, on a la base de train. Ah oui. Pardon. C'est pas ça l'entendu. Qui a parlé. T'as dit quoi? Sauf si tu fais une course poursuite à base de train. Où il y a des rails. Joli. Exactement. Je valide. T'es viré, Erkouen. Je valide. Tim Erkouen. Et alors, donc là, c'est la phase Blade Runner dans le brouillard un peu. Là, tu peux dire que c'est un hommage. Une sacrée purée, dis donc. Il se cache dans le fog. Ça s'appelle le fog. Ah oui, oui. En anglais, c'est de l'anglais. Je sais pas si. Comme le tube de Carpenter. Et tu vas à Mirande à côté de Dijon en plein mois de novembre, bah c'est comme ça la purée. Il y a le fog. Ah bah je veux dire. En anglais, ça veut dire guenouille. Allez, pas mal. Et alors du coup, la Bruce Willis... Je crois qu'on peut arrêter là, parce que c'est la meilleure blague du podcast. Hein. De loin, de l'histoire de En plus, je l'avais même pas noté, celle-là, je l'ai lu comme ça. Tu vois. C'est ça, les coups de génie. C'est comme un éclair. Hein. Et alors là, Bruce Willis, je sais pas si elle a un tatouage sur le cou, je sais pas quoi, mais il l'amène chez le prêtre, je sais même plus... Ah, il lui dit, elle a un tatouage Vito sur... Cornelius, oui. Vito Cornelius. Ah oui, et lui, il tape ça dans l'annuaire, tu sais, Vito Cornelius. Oui, il dit qu'il a trouvé dans l'annuaire, c'est ça, hein. Elle lui dit prêtre Vito Cornelius, et il fait une petite vanne en mode, t'as pas besoin d'un prêtre, il faut juste que t'ailles à l'hôpital. Là, elle s'évanouit, et du coup, il décide que finalement, elle a besoin d'un prêtre. Genre, on va l'emmener à l'hôpital. Il a les bons réflexes. Laisse tomber l'hôpital, je vais faire l'extrême onction directement. Il faut savoir, non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça. En fait, elle a une étiquette chronopost derrière le trou avec l'adresse directement. On l'a renvoyé à l'expédition. Et donc là, il la ramène chez le prêtre. Elle va s'endormir sur le canapé. Il va faire un move qui est assez stylé. Il fait tiens, elle dort. Il a la confiance quoi. Vas-y, je vais essayer de l'embrasser vite. Pas là, c'est bon. Et alors là, il va. Ectogamate. Elle va lui mettre un flingue sur la tempe. Elle lui pique le sien. Oui. Ectogamate. Écoute, mais génie, franchement, là, jamais franchement, sans ma permission. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Heureusement hein. Qu'il lui a pas bouffé la langue comme dans Kill Bill, parce que du coup, il aurait pas pu parler jusqu'à la fin du film. Ouais, ça aurait. Rebelle de Moi, ce qui me fait marrer, c'est justement après cette petite scène de bagarre avec le pistolet, c'est qu'on apprend que Zorg est venu se renseigner sur les pierres précieuses. Et c'est-à-dire que, genre, c'est censé être les pierres les plus secrètes du monde. Donc, on sait que c'est lui qui est genre le celui qui parle, c'est trop cool. Celui qui parle aux extraterrestres. On lui dit excuse-moi, tu sais où sont les quatre pierres? Oui, mais je peux pas te le dire parce que c'est quand même le plus grand secret de l'univers, quoi. Ça, c'était quand même un peu nul, il faut le dire. Bon, alors bon. Okay. Ouais. Après, il y a un truc qui est marrant. J'ai noté Zorg, c'est le Hitler du futur. Il a une méga mèche, genre de ouf. Mais il a une perruque, non? Oui, oui. On dirait. Hein. Oui, je pense. Hein. Regarde quand même les anecdotes, mais il semble qu'il a une perruque. Hein. Alors attends. Oui, c'est ça. C'est AP. C'est AP comme perruque. C'est ça. C'est exactement ça. Elle fait toutes ses anecdotes par ordre alphabétique. Patrice, Patrick Fiori, perruque. Voilà, c'est là. Et alors là, Bruce Willis, il y a un truc qui est super drôle, c'est qu'il va appeler son pote au téléphone chez lui. Et tu sais, en gros, il était censé ramener le taxi à son pote, taxi qu'il a totalement oui. déglingué parce qu'il a décidé de faire une course poursuite. C'est pas la première fois en plus. Pour du rail. Pour sauver une meuf en slip qui a l'air camée. À sa décharge, à la base, il a été déglingué parce qu'il y a une camée en slip qui est tombée dedans. Et ça va déjà un petit peu. Et là, je sais pas comment c'est remboursé par les assurances d'ailleurs. Très bien. J'ai un punk qui est tombé dans ma bagnole. Sur la liste, c'est en bas là. Fille en slip. C'est prévu, c'est en dessous de vélo. Et là, il appelle son pote et son pote, genre, il est trop vénère. Il fait putain, qu'est-ce que t'as fait de mon taxi? Et là, il fait. Mec, j'ai rencontré quelqu'un. Ouais, il part direct en confidence. Il y a une petite musique derrière et là, il ferme les yeux. Il fait. Et là, elle est vraiment et là, Eric Serra, coup de génie, saxo réverb, années 80. Et ça, il sait bien faire, Eric Serra, le saxo réverb. Lui, il va insister. Tu sais, dès qu'il y a un truc à l'image, il va le renforcer avec de la musique. Quand il y a des ou gags, du rail. Quand il y a des gags, il met du pizzicato. Ouais. Quand il y a des trucs love, genre à un moment, elle a les seins mouillés, paf, il met du saxo reverb. Si après, il y a mes t-shirts mouillés, là, je sais pas. Mais alors en vrai, vous êtes chiant parce qu'il fait un truc qui sort de ce qu'on attend, il met du rail sur une course-poursuite, vous êtes pas content. Ouais. Et il fait des trucs hyper classiques, vous êtes pas content. Non, si, parce que moi, j'aime bien la musique du Grand Bleu, vraiment. Eh oui, et je le dis. Là, je regarde la caméra, j'aime bien la musique du Grand Bleu. Là, c'est marrant, t'as vraiment fait un truc politique. C'est-à-dire que ça, elle mettait le doigt sur un truc et t'as fait oui, tout à fait, j'adore la musique du Grand Bleu. Quelle arnaque. Non, c'est vrai qu'on est un petit peu de mauvaise foi, je dois me confesser. Là, j'exagère. Écoute, je me remets de ma surprise. Voilà, j'exagère un petit peu. Et là, ce qui est trop marrant, c'est qu'il dit j'ai rencontré l'être parfait. Et on lui dit c'est quoi et tout. Et tu sais, il pourrait donner un peu des bails de physique, enfin des bails, tu sais, un peu de ce qu'elle représente et tout, sa personnalité. Il fait mec, elle est rousse, elle a les yeux bleus, elle est trop collée. Oh bah ça va, c'est le cinquième élément. Tu sais, il pourrait dire, je sais pas, elle a une présence et tout. T'sais. Et donc, ensuite, on fait la rencontre de Zorg. Oui. Et des extraterrestres qui ont volé les pierres, dont le chef des extraterrestres, bah, c'est Nicolas Anelka. Ah, j'ai noté la même. C'est vrai, il lui ressemble. On l'avait tous noté, c'est Nicolas Anelka en personne qui le fait. Mais c'est vraiment lui? Ah non, pas moi, j'ai mis Gérard Junior. Non, c'est pas lui. Je suis pas très fidèle. J'ai pas fait bien mes anecdotes, j'en ai loupé. Non, mais il lui ressemble. Non, parce qu'il y a un autre mec qui travaille pour Zorg et qui lui, par contre, est tricky. Exactement. Et c'est marrant parce que j'avais noté ça comme une blague et en fait, c'est vraiment tricky. Et bah oui. Qui est pas tout à fait de Massive Attack. On va pas rentrer dans les détails. Non, qui a fait partie de Massive Attack, qui aujourd'hui fait une carrière solo. On peut en parler, faire un podcast dessus. Moi j'ai une anecdote, d'ailleurs ce tricky, la première fois que je l'ai vu c'était aux Eurocaennes et j'avais vomi. Voilà. T'avais vomi sur le tricky. Dis-le en regardant la caméra s'il te plaît. Hey, je suis fan de toi mec. Non, il était sur scène, j'ai vraiment dû donner du coffre. Hein. Ok, allez on y va. Super, pas mal. Et alors du coup il va présenter son flingue, qui explique? Ah bah vas-y. Non, moi j'ai noté, c'est l'arme du flic de Beverly Hills 3. Est-ce que quelqu'un a vu l'arme, le flic de Beverly Hills 3? Oui, et j'adore ce film. Et bah c'est l'arme de Serge à la fin, c'est-à-dire qu'elle fait tout, micro-ondes. Il y a un mec qui s'appelle Serge. Oui, mais oui, mais c'est bon. Regarde le film de Beverly Hills 3, celui dans le parc d'attraction, il est génial. Non, mais c'est un prénom qui n'existe que dans les films d'ailleurs. Heures de perdu, j'ai hâte de sur ça. Mais c'est une arme qui fait tout quoi. Donc c'est ça, c'est la démo du flingue couteau suisse. Il y a dégorgeoir à poisson, il y a batteur à œuf, le machin. Il y a fourchette à escargot. Et puis aspirateur de table. Attends, je crois que je l'ai. T'as mis un peu d'aïa quand même. Et donc là, il n'y a pas les pierres et ça va virer chocolat. Alors, ça vire chocolat. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une fonctionnalité qui est quand même assez marrante sur ce flingue. C'est-à-dire que tu tires le premier coup, t'atteins une cible. Et après, à chaque fois que tu tires, n'importe où tu tires, ça va sur la cible. C'est le rip. Mais bon, la cible, elle est morte. C'est-à-dire que tu tires sur un cadavre pendant 10 ans. S'il y a deux mecs dans une salle, t'as perdu, tu sais. Merde, je suis niqué. Et alors, du coup, il n'y a pas les pierres. Il va falloir espionner le président. Et alors, est-ce que vous vous souvenez président, de cette scène? Attends, ah oui, c'est la scène du cafard. C'est-à-dire qu'en 2300, l'espionnage s'est accroché une caméra sur un cafard. Une caméra qui est grande comme une phalange, tu vois. Le cafard, il a quand même une perche. Avec un casque. Non mais en plus ça se voit à mort, c'est-à-dire t'as le méga cafard, genre c'est censé être propre. Et le président, t'as un méga cafard qui passe devant, il fait, il voit même pas la caméra, qui est grand comme ça, quoi, tu vois. En plus, attends, ils ont été discrets parce qu'ils voulaient envoyer un labrador au début. Et le président, il fait, mais pourquoi il y a un chien dans le bureau là? Avec un micro dans le dos. Et pourquoi il a 9 kilos de matos dans une remorque à côté de lui? Et donc, on espionne. Alors, on comprend que les pierres, elles sont sur une diva qui va faire une représentation. Dans une diva. Là, on comprend qu'elles sont à Faustin Paradise. Voilà, alors il va falloir que, voilà, il faut que Corbin Dallas gagne le concours Gemini Cricket avec Ruby Road sur le Floston Paradise. Il doit sauver le monde, puisque en gros, là-bas, on va retrouver les pierres. Lui, de toute façon, il est déjà avec le cinquième élément, donc ça, bon, réunir les pierres avec le cinquième élément, ça va être facile. Les pépouses, hein. Et donc, il gagne le concours. Coup de chance, hein. Là, je sais pas, on peut peut-être avancer rapidement, mais en gros, ouais, on va juste dire qu'il se fait recruter par son ancien chef. Ça rappelle un peu Rocky, quoi, tu vois. Genre, ouais, mec, c'est vraiment toi qui est fait pour cette mission. Je c'est Rambo, je pense. Rambo, pardon, ouais. Rocky, c'est celui qui Rocky, fait la boxe. Y a pas de mission. Il confond toujours. Rocky, c'est un truc de boxe. Ouais, je me rappelle plus. C'est aussi le nom du chien de ma tante. Vas-y. Et du coup, il se fait attribuer une espèce de pseudo-copie de la princesse Leia, genre qui fait 2m12. Mélangé de longueur. Mm-hmm. Donc, mais il y a le cinquième élément et le prêtre qui sonne. Du coup, il les fout dans le frigo. Il les cale tous les trois. Ça, c'est cocasse. C'est cocasse. Avec de la musique, avec des violons pizzicato. C'est rigolo. Je te mets dans le frigo. Je te mets dans la douche. Tu es mouillé. J'adore ce film. Et toi, je te mets sous le lit. En fait, ce qui est assez marrant dans cette scène, c'est qu'il il prétexte que c'est sa meuf et que c'est un moment hyper important parce que sinon il va se faire larguer. Donc il fout tout le monde dans le frigo. Faut savoir qu'il meurt congelé en fait. Oui. Et les mecs, putain, ils sont vachement respectueux quand même. Parce qu'ils vont dire, bon, sergent, on est en train de mourir là. Mais non, mais on va niquer son couple. Faut qu'on reste dans le frigo. Attendez, caporal, il est en train de la pêcher. Mais du coup, j'ai revu ce film pour la première fois depuis, je pense, 2 ans. J'avais jamais percuté qu'il les butait. Mais en fait, c'est bizarre parce qu'ils reviennent après. Donc le général. Non, mais ouais, ils l'ont mis au micro. C'est un petit effet de comédie. C'est un effet de comédie. Voilà, c'est ça le cinématographe aussi. C'est fait pour rire. Ben oui. Mais c'est faut fait, rêver un peu, faut rêver. Pour oublier le quotidien. C'est le voyage. Oh, ça fait du bien de rigoler. Alors, voyage de courte durée, puisque c'est le contrôle des Condés. Ouais. On va y aller quand même, les Condés. J'aimerais juste souligner un petit truc qu'on a oublié. Je suis désolée. Juste après qu'il y ait le traiteur asiatique qui soit venu le voir, etc. J'aime bien le bateau en plus. Moi, je trouve ça génial. C'est une super scène. Et en plus, excusez-moi, il ouvre sa boîte d'allumettes, il en craque une. Et on aperçoit qu'il ne reste qu'une allumette. Et alors ça, comment ça s'appelle? Une préparation paiement. Préparation paiement. Exactement. C'est ça. Hein. C'est aussi un fusil de Chekhov. Exactement. Exactement. J'ai aussi un truc sur le chinois qui arrive avec son bateau. Alors, ce qui est trop marrant, c'est que dans ce futur, tout le monde a la même bagnole avec le taxi, les voitures de flics. Tout le monde a des trucs qui vont à 2000 à l'heure. Et lui, il est sur un truc genre en boîte. C'est comme si ton livreur de sushi, il venait avec une calèche, quoi. Enfin, tu vois, pourquoi lui, tu sais, il pourrait un peu le déguiser avec un logo, quoi. Là, il a vraiment un bateau volant. C'est un peu le food truck de l'époque. Il était visionnaire, déjà. Ouais, mais à quoi ressemblent les vélos à cette époque-là, par contre? Ça vole aussi? Y a plus de vélo. Oh, Michael, arrête avec interdit en 2150. Trop dangereux. Et alors, du coup, on va devoir aller à l'aéroport avec la fameuse scène Lilou Multipass. Dernier appel pour Floston Paradise, embarquement immédiat, porte 26. Les personnes pour Floston Paradise, dernier appel. Ah oui, les billets. Carte d'identité, s'il vous plaît. Ah, pardon. Là. Là-dedans? Oui, pardon. Thank you. Monsieur Dallas? Oui. Toutes nos félicitations pour le concours. Ah, oui, merci. Excusez-nous pour le désordre. Pour le désordre? Le bordel. Ah, ben voilà. J'avais tellement peur de rater l'avion que j'ai envoyé David pour la carte d'embarquement. Et maintenant, il faut qu'il s'en aille, hein, David? Au revoir. C'est moi, Corbin Dallas. Exceptionnel. Nous vous prions de bien vouloir signaler toute infraction. Et qui est cette personne? Lilou Dallas Multipass. Oui, Multipass. Lilou, oui, Multipass. Et c'est ce que c'est qu'un Multipass? Lilou Dallas, ma femme, nous sommes jeunes mariés. Multipass. Vous savez ce que c'est, on tombe l'un sur l'autre, ça fait des étincelles. Et puis oui, et c'est ce que c'est qu'un Multipass. Et puis voilà, on s'aime. Oui, oui, elle est pas du tout en train de faire une grosse montée d'acide. Parce que mec, je te jure que tu vas au comptoir de l'aéroport et tu fais Multipass. Multipass. Bah, avec une meuf des Balkans, tu passes pas. Mon pote, tu montes pas dans l'avion. Et donc là, il va très beau costume de ces hôtesses de l'air, moi je tiens à le dire. Très beau costume. Alors, très beau costume, j'aimerais bien faire un très point femme dans ce film, c'est-à-dire que je vais être un peu vulgaire, je le peux. Ah non, mais attends, on est chez Mademoiselle. Fais ce que tu veux et au pire, bon, je te tape. Est-ce que, à part Lilou. Oh non, mec Non, mais elles sont toutes comme sapées dans, comme des putes dans ce film. Enfin, ok, non, tu ne peux pas. Tu es chez Mademoiselle, tu ne peux pas. Je retiens ce que j'ai dit. En même temps, est-ce que ce n'est pas une dérive? Les hôtesses, non, mais attends, elles sont un peu vulgaires. Top avec alors, un truc en latex orange à la Schneck, elle est pas non plus hyper couverte. Ah couvert. Oh, oh. Ah, dis-le. Ouais, toi, tu m'as dit. Je savais que c'était une mauvaise idée. Je savais que c'était un site de dingo. Elle a le droit, je l'ai dit, elle a choisi. Non, elle a pas le droit, merde, c'est 2300. Non, alors, il y a un truc quand même, c'est que le rôle des femmes dans ce film, c'est Peanuts. C'est vraiment Peanuts. C'est le cinquième élément quand même. Ouais, c'est le cinquième élément quand même. Sauf que le cinquième élément, excusez-moi, mais c'est. Je vais un peu rentrer elle dans dit, les détails. Moi, protéger trois. Hein. Non, mais le cinquième elle élément. Le dit, elle le dit dans l'avion. Le cinquième élément, c'est pas vraiment une femme forte, c'est genre un enfant sauvage qui a quand même besoin de Bruce Willis pendant tout forte. Le film. Attends, non, mais à aucun t'as moment. T'as vu comment elle se défend toute seule dans la chambre? Non, mais je suis en vrai. Moi, j'ai rêvé quand j'étais gamine. Je suis très content que tu sois tombé dans le piège de Luc Besson, mais c'est juste. C'est juste un enfant sauvage et elle a besoin de Bruce Willis pendant tout le film. Et même à la fin, on va encore avoir besoin de quelqu'un parce que toute seule, une femme ne peut rien faire. Moi, je suis très. Alors, j'avais été aussi blousée par ce moment de bagarre super cool où je me disais c'est une héroïne forte et j'ai revu le film et j'ai fait non, en fait elle a 5 ans pendant tout le film, ouais, il y a un moment enfant. Où elle castagne des gars et après elle a 5 ans et quand elle castagne des gars on dirait un enfant qui joue avec ses jouets quoi. Hey, je casse des trucs tu vois, ouais, mais ce qu'il faut reconnaître, les ennemis sont pas très malins, ils attendent de chacun ouais, eux c'est vraiment la queue leu moi je la trouve, je suis pas d'accord, elle va voir toute seule la diva Plavanaguna, elle prend rendez-vous toute seule, il y a pas l'autre toujours derrière elle. Oh, bon, bravo, les femmes sont autonomes. Elle est autonome. Moi perso j'ai toujours du mal à prendre des rendez-vous à la CAF, alors je me dis moi pour tout ce qui est rendez-vous c'est ma meuf qui s'en occupe, hein, heureusement. Petite parenthèse, tu viens le cinquième élément, c'est la personne qui prend les rendez-vous le plus facilement. La secrétaire de l'univers. Petite parenthèse, tu as utilisé le mot blousé, j'ai regardé, j'ai fait mes recherches, ça n'a pas été utilisé depuis 1973. Bravo. Et alors là, une leçon de montage, messieurs, dames, puisque en parallèle, on va avoir le droit à un avion qui décolle, là, une explosion et un orgasme féminin. Est-ce que c'est pas magnifique ça, en termes de cinématographie? Ah oui, c'est moi, vrai. Je n'en parle pas, je suis trop censurée. Non, Julie, calme-toi. Je n'en parle pas, je suis trop censurée. Mais c'est vrai qu'ils font la chose dans l'avion. Ils font la chose dans l'avion. La chose dans l'avion. Très clairement. Alors, c'est interdit dans l'avion. C'est interdit dans l'avion. Déjà, la chose, c'est sur un lit. Non, parce que dans un avion, c'est pas la même limonade. Ah ben oui, sur la couette, bien sûr. Tu voudrais pas qu'on voit le corps des autres. Alors. On éteint la lumière, on met la couette. C'est uniforme de test de l'air. Puis on met des serviettes sur le couvre-lit quand même. Oui. Ou un truc en plastique comme chez mamie. Ah bah non, mais d'ailleurs, il a des trucs en plastique. Comme chez mamie. Mais t'as déjà fait la chose chez mamie. Non, dans un podcast de Dario. Ça dérape. Non, elle voulait dire que sa mamie a dû faire la chose avant. Pour que j'ai un papa et qu'il y ait moi. Et qu'elle a mis un film. Mais c'est pas les cigognes que je comprends plus rien. Voilà. Je vais rappeler maman. Donc il baise dans l'avion. Oh ah, Milan. Mais ça va pas. Mais non, elle fait la chose. Milan. Les okay. pauvres, ils nous écoutent. D'ailleurs, vous savez que ce personnage de Ruby Road, il a été inspiré par Prince et Lenny Kravitz, qui ont tous les deux. Ah, Prince, je l'avais pas vu. Hein. Wow. Putain là. Moi j'aurais dit Michel Petrucciani. Mais ce qui est bizarre, c'est que. Mais ouais, effectivement, c'est moins ressemblant. T'as raison, ça doit plutôt être Prince. Mais ceci dit, il y a quand même un effet de surprise parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est gay, quoi, en fait. Non? Bah, en fait, il est pas gay. Écoute, si t'es fermé d'esprit, oui. Bah, t'as pas vu le charme des gens? Mais non, mais. Parce qu'un homme est en costume léopard et qu'il parle aigu et qu'il est banane. Alors, qu'il est sous gay, prétexte voilà, qu'il est efféminé, qu'il embrasse un homme sur l'arrière. Et qu'il est en costume léopard avec des talons comme ça. Ça, on est en 2300, on peut faire ce qu'on veut. Ouais, alors déjà, je suis très content puisqu'en 2300, le show le plus populaire n'est pas une émission de télé, mais un podcast audio. On est le futur. Alors, c'est vrai. C'est un live en fait. Bonjour. Alors, je fais une petite parenthèse. C'est une très très bonne idée de scénario que de faire une émission de radio pour lier les intrigues. Donc du coup, comment faire en sorte que tout le gouvernement soit au courant de ce qui se passe, etc. Ils sont en relation radio directe. Moi, je trouve que c'est très malin. Voilà. Ouais, c'est très malin, ça s'est jamais vu. Franchement, là, c'est vraiment une innovation. En tout cas, il fait quand même l'interview la plus nulle de la radio. Je pense qu'il a sa place à 2 heures de perdu parce qu'il lui laisse aucune chance à son... Comment il s'appelle, à Bruce Willis, là, l'autre Corbin Dallas. Et il lui laisse aucune chance. C'est-à-dire qu'il pose des questions. Mais il y a que lui qui parle, quoi. Non, mais il lui laisse des chances. C'est juste que bon, Bruce Willis, c'est pas très loquace. Je sais pas si tu as remarqué, il est pas très enclin. L'autre, il en fait trop. Alors, ça y est, on prend sa défense. Il est nul, il est nul. Enfin bon, il sauve le monde quand même, tout ça. Il faut savoir qu'Antoine finit toujours à poil, hein, pour les. Oui, je me déshabille au fur et à mesure. Bah, déjà, j'ai enlevé mes chaussettes, hein, vous l'avez pas vu. Il les a étendues sur la tête. Je peux faire chercher mes chaussettes. Alors, il y a aussi un truc, c'est que le méchant, qui est. Donc, c'est le méchant Zorg, il avait envoyé un acolyte pour monter dans l'avion. Zorg, c'est pas mal comme nom de méchant. Hein. Oui, c'est vrai, si t'appelles ton gamin Zorg, tu sais ce qui va se passer, quoi. Hein, tu sais, il va devenir méchant. Il va pas avoir le plus Jean-Baptiste Emmanuel. Jean-Baptiste Emmanuel, il était bien parti. Ouh. Bah, je pense qu'il était bon à l'école et après il est devenu méchant. Et en fait, son. Peut-être que c'est un pseudo. Hein. Son bras droit, ou je sais pas comment on peut dire, son. Oui, son bras droit, ouais, tu peux dire. Son bras droit, en gros, il devait monter dans l'avion et il a raté et il l'appelle d'une cabine et il lui fait écoute, j'ai raté là, machin. Et Zorg, il est au téléphone avec lui et en parallèle, il fait un code sur un clavier, genre comme les trucs pour faire ton code secret de carte bleue. Et il fait une série de chiffres qui va faire exploser la cabine téléphonique. Bah c'est vachement dangereux, imagine tu te plantes un bouton, tu sais. Allô, t'es encore en ligne? Ah bah merde, j'ai dû faire péter quelqu'un d'autre. Allô? Ah bah putain. Maman? Maman? Ah putain, ça a pété dans l'autre pièce. Donc ça, j'ai trouvé ce système assez dangereux, sachant qu'il y avait des écrans, ils auraient pu faire un truc un peu interactif. Ensuite, c'est la présentation de la diva. Ah oui, elle arrive en niqab, on sait pas pourquoi. Ouais, c'est vrai. Qui peut décrire un peu la diva physiquement? Déjà, je voudrais vous dire que C'est un poulpe en latex bleu, quoi. Non, non, c'est Maïwenn déguisé en poulpe en latex bleu. Déjà, je voudrais vous dire que Plava, ça veut dire bleu au féminin en serbe, croate, bosnien, etc. Et Laguna, donc lagon bleu. C'est aussi un très bon modèle de Renault. Lagon bleu, le meilleur que j'ai fait. Parce qu'en fait, la mienne, elle est toujours nickel. C'est Luc Besson qui apparemment serait allé passer des vacances à la Plava Laguna en Croatie. Ah oui, j'ai lu ça. Là pour nous montrer ou comment ça? Je les ai récupérés. Toutes les anecdotes réalisateurs, c'est trop marrant. T'sais. Et là, c'est juste parce qu'un jour, il a pris une lavette, une lingette. Ok, t'es en Serbe, c'était écrit Lava, tu lui as fait. Eh ben, on a le nom de la diva. Lava, il s'est sonné. Hein. Et le premier film de Mila Jovovich. En plus, d'aller manger des fruits de merde. Il a goût bleu, là. Donc, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Alors, la diva, elle est entourée de gros connards de la mode des années 90 qui font des gros afters à Berlin. Je peux vous avoir remarqué, ils ont tous des trucs genre. Déjà, il y a les Tahitiens de Flowstone qui les accueillent genre un peu en. Ouais, alors, oui, en. Pourquoi les Tahitiens sont sur Flowstone? Moi, j'ai pas compris. Enfin, est-ce qu'il y a une. Parce qu'en fait, leur île a été engloutie depuis le réchauffement climatique. Du coup, c'est le seul endroit où ils sont. Il y a une grosse communauté. Il y a une grosse communauté tahitienne qui a immigré là-bas dans les années 2650, je crois. Ouais, bravo. C'était 2263 l'année. Donc bravo. T'as mis 400 ans plus tard. Merci. Ensuite, c'est le moment de l'opéra. Alors, il y a une petite question, c'est qu'on est quand même dans un futur où les extraterrestres sont un peu présents, mais pas trop, puisqu'en fait, il y a que la diva qui est extraterrestre. Ça tombe bien. On va la regarder chanter. Non, c'est un fruit de mer. Il y a Mangalore aussi. Hein. Et là, c'est parti pour l'opéra poulpe. Ça peut s'arrêter un moment. Bravo. Moi j'adore cette chanson. Je vous l'avoue. Alors très pertinent de la part de Strawberry Toll. Il dit la fond sonore, on dirait une mission de Solid Snake. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai que Eric Serra, avec ce type de musique, a instauré un style qu'on a retrouvé dans GoldenEye. Dans GoldenEye, exactement. Dans GoldenEye 64, après. Parce qu'il l'avait fait dans le film. Bien sûr, exactement. Et donc, du coup, ça a influencé beaucoup de jeux vidéo après. Alors, j'ai terminé. Alors, moi, j'ai une petite anecdote d'abord sur l'opéra de Plavanaguna. C'est Il Dolce Suono, excusez-moi, voilà. Dolce, de l'opéra Lucia della Mermor. Mais par contre, ces notes, elles sont tellement difficiles à atteindre. Elles sont faites par deux femmes qu'on a reliées numériquement. Non, c'est la même femme qui s'appelle Ivan Moula, je crois, un truc comme moi, ça. Moi, j'aurais dit Yama. Hein, mais... Attends, comment ça va et attendez, et donc c'est pas enregistré d'une traite, bien sûr, ça a été enregistré pendant. Ah, bah oui, parce longtemps. Que ça, c'est pas possible à faire. Tout à. Non, mais c'est un détail. Moi, j'ai une autre anecdote. Moi aussi, j'ai une anecdote. Alors, on va faire une battle d'anecdotes. Apparemment, c'est Eric Serra qui aurait fait les voix basses. Putain, c'est dingue. Moi, quand j'étais plus jeune, j'allais chez mon oncle de temps en temps pour manger. J'allais pas tout seul, on allait en famille. Oh là là, attention, anecdote, tunnel, elle va durer une minute. Et à chaque fois, mon oncle, il avait un synthé Yamaha, tu vois, mais vraiment le bas de gamme un peu. Et du coup, il se chargeait un peu, après, il jouait du synthé. À chaque fois, on a l'impression qu'il oubliait qu'il nous montrait, et à chaque fois, il nous remontrait, il disait eh, venez voir, les jeunes, je vous montre un truc. Il mettait le synthé, et il mettait la bossa nova, machin, et il faisait toujours le même nouveau. Non, il faisait toujours le même truc, et il jouait Santana, tu sais, avec le son guitare, il faisait. Et après ça, il changeait le son. Et il fait regarder, je peux même mettre d'autres trucs. Et il y avait vocal male. Et il faisait. Tu vois, tu sais, les sons de mecs sur les pianos là. Bah là, en entendant cette musique, j'ai eu un gros revival de Patrice. Comment il s'appelle ton oncle? Patrice. Ah, bah il est aux Eurocaines cette année. Bah c'est. Non, mais dans cette chanson, vous réécouterez, mais il y a un moment, même si c'est une voix de femme, c'est impossible. Ça fait un truc, mais c'est du méga. C'est peut-être volontaire, ceci dit, pour montrer que c'est la musique du futur. Mais c'est surtout la musique, c'est un extraterrestre. Bah moi, je me suis dit, elle a avalé un clavier Yamaha ou quoi? En même temps qu'elle a avalé les quatre pierres, du coup. Mais il y a de la place dans son vide. Alors, ça va monter en tour. Ouais, ça monte dans les ça tours. Ça monte dans les tours. On a oublié de le dire. Ça vire chocolat. Et ce n'est plus, la, c'est même plus la même limonade. Exactement. Plus la même limonade pour elle. Elle va prendre une bastos. Et alors, j'ai envie de vous dire, ça tombe bien. Pourquoi ça tombe bien, Mickaël, qu'elle se prenne une bastos? Bah parce que ça lui ouvre le bide, puis qu'on peut prendre les pieds. alors, qu'est-ce qui se serait passé si elle s'était pas pris une bastos? Bon, il faut attendre qu'elle aille à la selle. Oui. Ah bah ça prend un peu de temps hein. Je suis et là dis-moi, vous voulez pas reprendre un peu d'asperges? Mangez des pruneaux. Et non, et surtout, non, et surtout la question c'est, la meuf elle a la plus belle voix de l'univers. Non, comment... non, bon alors déjà là je t'arrête. Je rappelle que c'est Patrice ton oncle hein. Comment et pourquoi elle va se mettre 4 pierres qui sont des beaux parpaings quand même dans le. Alors déjà, elle doit porter 20 kilos. Par où elles sont rentrées quand même? C'est quand même la question, parce que c'est gros à avaler quand même. Elle fait quoi la diva, tu sais? Elle est dans sa loge en train de bouffer des pierres là. Mais tu sais, genre pour passer, faut une bonne sauce salade. Hein. Ah, 2-3 tomates. Non mais t'as vu les machins, putain, mais je regardais ça. C'est quand Bruce Willis il les sort du beach, je fais putain, mais c'est pas possible. À aucun moment les mecs ils se sont dit, les gens ils vont se poser des questions quand même sur comment c'est rentré. Donc du coup, ils vont voir sortir les pierres. Là, il y a une scène d'action, j'ai mis 4 sur 10. Ouais, je mets des notes au sel en fait. Ah, c'est comme ça, j'ai mis 4. J'ai mis 4. Voilà la sentence. Combien t'as mis toi, Greg? Moi je m'en rappelle plus en fait. Moi, déjà, dès qu'il y a Bruce Willis dans une scène d'action, elle a forcément plus de 5. Bah, moi il avait 5. Ah non, 5, c'était pas si moins mal. 1, moins 1 pour les orgues là. Non, en fait, il y a un moment où j'ai vu Bruce Willis sauter et faire des trucs de ouf. Et là, je me suis dit, ah là, c'est un peu cool. Tu sais, tu reconnais des trucs que tu connais, Bruce Willis qui saute. Sauf qu'il y avait du rail derrière, du coup, j'ai pas trop aimé. Mais bon. Non, mais il dure jusqu'à où ton 4 sur 10? Parce que je trouve que la partie dans l'opéra elle est un peu nulle, mais quand ils arrivent dans le genre de bar où ils se planquent et où le mec ouais, il c'est vrai que ça cool. Ouais, comment ils ont appris à négocier, genre, c'était quand même assez stylé. Bah ouais, c'est ouais, hyper stylé. C'est un ouais, plus ouais, ultra stylé. Ouais. Non, mais méga puntos, ultra stylé. Bon, bah du coup, tu peux remonter à 5. Bah oui, mais c'était. Oui, d'accord, bah, voilà, 5. Voilà. Alors, 5, vous m'avez fait changer d'avis. Vous voyez que je suis pas un stupide qui reste sur mes opinions. Je peux changer d'avis. Ça a bien négocié, Julie. Ouais. Alors, à un moment, le méchant, il va mettre un petit boîtier au mur qui est une bombe qui va faire vraiment tout péter. Et alors, quand il pose le boîtier, le Fluston Paradise, par Bluetooth, détecte la bombe et dit attention, autodestruction détectée. Mais il plus d'accord. Que 3 minutes. Alors, il a même le timing, tu vois. Alors, il détecte la bombe, l'hôtel détecte la bombe, mais au bout de 15 minutes. Parce qu'il la met, c'est un compte à rebours, c'est 15 minutes et il la détecte au bout de 3 minutes. Bah oui, il faut le temps que ça détecte. Et après, après l'hôtel fait le compte à rebours. Tu sais, genre, après, ah bah c'est bon, maintenant je suis synchronisé. Synchronisé. Et donc, on va quand même réussir à s'enfuir. du Lost in Paradise qui va exploser. En prenant le vaisseau du méchant. En plus. Oui, en plus il va mourir. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais Bruce Willis, jamais il affronte le méchant. D'ailleurs, ils se croisent jamais dans le film. Ils savent pas que l'autre existe en fait. Zorg, il l'a viré à un moment. Il doit, si, il doit licencier. Ah bah t'es là toi aussi. T'as été engagé dans le film. Mais tu as une perruque. Zorg licence. Mais t'as des cheveux toi. Taxi, voilà, c'est ça. Il devait licencier 500 000. Bruce, il a des cheveux, Lyon. Et il reçoit sa lettre de licenciement quand il y a le livreur de taille. C'est le seul moment où ils ont un contact, mais sinon ils savent pas que l'autre existe. Tu l'avais pas vu ça, Greg, hein? Vous m'avez séché là, je sais mais plus quoi dire vous maintenant. Vous parlez pas que la boule de mal, elle passe un coup de fil? Oui. Ah oui, ah bon, ça c'est pratique quand t'es une boule de mal. Il y a un moment où la boule de mal, elle, parce qu'au moment où Zorg est censé avoir récupéré les pieds. Tiens, elle m'envoie un SMS. Une invitation à Candy Crush. Elle veut que j'arrose sa ferme, elle fait chier. Elle se met à émettre des ondes, donc t'as tous les gens dans les vaisseaux Star Wars, plus le président qui sont là, elle émet des ondes, et t'as un petit malin qui dit, peut-être qu'elle veut passer un coup de fil. Et là, le téléphone de Zorg sonne dans le plan d'après, ouais. Et il décroche, et c'est Monsieur Shadow. Ouais. Alors, moi, Monsieur Shadow, excusez-moi, Monsieur Shadow, c'est le chien dans l'incroyable voyage pour moi. Hein. Je sais pas. Mais qu'en est-il, Monsieur Shadow? Avec les lunettes, là. Bah c'est Monsieur Shadow au téléphone, hein. Il a mis un brouilleur de voix, tu sais. Il va croire que c'est la planète du mal. Et alors ensuite on a le droit à un quart d'heure sur la morale humaine. Ah bah putain, alors, parce qu'elle en est à la lettre V, ça il faut l'expliquer. Et donc, ouais, alors qu'elle reste... dit vous d'ailleurs. Elle dit vous qui donc, Il lui reste la lettre W comme War. Non mais après, enfin, il lui dit il reste la guerre, il reste la guerre. Il reste la lettre V, elle est là, genre machin. Et Bruce Willis, il fait, il y a plein de beaux mots. Très joli. Non, non, on fait pas ça, il y a véranda, il y a Vérulux, il y a vitre. Il y a ventouse, c'est un beau mot, ventouse. Il y a Val de l'Oise, il y a plein de choses en V. Val d'Oise, Val de l'Oise, Val de l'Oise. Oh, quelle insulte. Ouais, je suis jamais sorti de l'intramuros. T'as vu mes lunettes de connard ou quoi? Tu crois quoi que tu prends le RER? Et donc ça tombe bien. Il y a juste un petit détail qui me fait rire parce qu'à un moment il va chercher. Il monte par le toit, enfin, il y a un moment il doit monter. Tu es en train de te perdre et de nous perdre. Je peux bien lui faire un tunnel de 10 minutes. Alors là, il prend l'échelle, il va sur la gauche. Je vais essayer de trouver à quel moment du film. C'est marrant, c'est pendant la baston en fait. Pendant la baston dans le bar. Pendant la baston dans le bar, en fait, il doit monter par l'espèce de faux plafond. Et en fait, au lieu de prendre un escabeau ou une chaise ou un tabouret comme tout le monde, il prend un piano à queue. Ah oui, dans la chambre. Mais il le dépasse. Mais en même temps, c'est une chambre de luxe, je pense qu'il n'y a pas genre un escabeau contre un mur en mode au cas où. Si jamais ta go, elle est dans la suite, t'as oublié l'escabeau. Il y a le prince d'Arabie Saoudite, il va pas être content, t'as oublié l'escabeau là. T'as retiré l'échafaudage? Ah bah merde, il, peut, il a plus accès aux moulures. Alors là, t'as le président qui appelle au téléphone Bruce Willis pour lui annoncer qu'une météorite va s'écraser sur la Terre, ce qui rappelle un film, Julie. Qu'on a presque deux. Armageddon, bordel. Ah, oui, Armageddon. Ah, je croyais que c'était Speed. Et là. Julie, je déconne, ça va. Mais Speed, c'est un bus, c'est pas une météorite. Ouais. Mais si, non, c'est un bus, non. Alors, le moment. Aussi, hein. Le moment, Pierre. Le moment Pierre, le moment puisque Pierre, ouais. Les pierres, ils vont les poser sur les trucs. Alors là, c'est simple. Ils avaient pensé à mettre des symboles quand même. Tu vois, une sorte d'étiquette, ça aurait été chiant qu'ils ne les mettent pas. Quoi. Ouais, bah, les pierres, ouais, c'est pas mal. On voit vraiment après, qu'elles sont en plastoc, donc non, après non, ils savent pas. Moi, je m'attendais à ce que ce soit comme les jeux pour enfants, il faut mettre la boule dans la boule, le carré dans le carré. Alors putain. Là, je sais pas, putain, comment on fait. C'est avec Bruce Willis, j'ai réussi du premier coup. Et ce qu'il y a, c'est que pendant ce temps-là, le président avait déjà fait péter le champagne, genre c'est bon, c'est bon, on boit le champagne. Et en fait, non, il faut quand même. D'ailleurs, le président, il louche un peu, non, il a un strabisme. Il a la voix du chef dans South Park aussi. On se moque pas des strabismes. C'est la voix du chef de South Park. Ouais, mais il joue le chat aussi d'ailleurs, parce que le chat de Bruce Willis, il a un strabisme aussi. Oui, il louche énormément. Ouais, je l'aime beaucoup. Et donc, il faut allumer toutes ces pierres. Il faut allumer les pierres. Elle donne un indice. Ouais. Elle dit le feu, ça brûle. Non, l'eau, ça brûle. L'eau, ça bouille. Tu sais qu'ils l'ont changé en VF parce que ça rappelait trop Charlie à Lulu. Je te jure, en VO, elle dit l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Non, elle dit, parce que du coup, je l'ai vu en VO hier soir, elle dit le feu brûle et la pluie tombe. Mais c'est tout l'intérêt du truc, puisque. Bah non, mais le feu. Ah bah moi, j'ai écrit l'eau, ça mouille et le feu, ça brûle. Bon bah moi, je crois que je vois ce que j'ai envie. Voir, en fait. Charlie et Lulu qui sont venus, qui ont pris le contrôle de ton esprit. Ça, ils débarquent et tout derrière. Et non, tout. Mais tu mets dans les pierres. Moi, moi, je me suis posé la question. Ils viennent quoi d'ailleurs ils vont bien. Si vous avez des nouvelles de Charlie et Lulu, eh bien, Mickaël, ils sont là. Moi, je me suis posé la question, pourquoi c'est le vent et pas l'air? C'est pareil, Julie, en fait, le vent, c'est le même élément. C'est le même élément, je veux dire, c'est comme la terre et la pierre, c'est presque pareil. Alors, l'eau, j'ai trouvé ça un peu facile, le coup de la sueur. Hein, parce que pour selon moi, c'est pas vraiment l'eau. Surtout la charge qui s'était prise à la grappe à la veille. C'est plus. Au pire, tu pisses. Mais au pire, tu vois. Julie, attends, au pire, si ça avait été un Uber au début, ils auraient eu une petite question. Bah, exactement. Ils n'en seraient pas là. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est très, très intéressant. Ah oui, c'est très, très intéressant. On parce va que... mettre. Et le paiement. Ah oui, le paiement avec le feu, l'allumette. Non, mais c'est pas juste le paiement avec le feu. C'est-à-dire qu'il a une allumette. Oui, et qu'est-ce qu'il fait? Il la craque et il la met bien dans l'air. Il attend qu'elle brûle et fait. Bon, maintenant, je vais la mettre. Et je vais la mettre, accrochez-vous, je vais la mettre d'un coup. Pour être sûr de mettre le plus d'air possible et on va prendre le maximum de risques. Et après il tourne la tête de tigre, il y a les petits temps. Ouais, c'est ça, je m'en souviens. Avec la porte qui se ferme. D'ailleurs, 300 ans plus tôt, il y en a un qui est resté coincé dans la porte. Et là, c'est bien désintégré, lui. Il a disparu. Tu sais, on aurait pu imaginer qu'à l'ouverture de la porte, putain, il y a plein de bouts de merde, vous ferez gaffe. Moi, ah merde, tu fais une entaille. Tétanos assuré, là. Puisqu'il dit à son pote David là, d'aller préparer la salle, donc peut-être que David, il a fait un peu de ménage avant qu'ils arrivent aussi. Hein. Bah, ce sera sympa c'est quand vrai, même. C'est vrai. Enfin, c'est son job à David, c'est ça, parce qu'il est concierge en fait. Quoi. C'est ça. Il est concierge depuis des millénaires, de père en fils, en étant curé, c'est pour te dire. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre les quatre pierres, il va y avoir la lumière et tout, ça montre que ça a marché, mais ça marche pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre élément. Le cinquième élément au milieu, et là, elle a changé d'avis. Elle nous fait chier jusqu'au bout avec ses émotions, elle veut plus. Bah, c'est en fait, ce qui se passe. Là encore, c'est le truc Luc Besson quoi. Oh, c'est une nana, en fait, elle dit qu'est-ce que ça, à quoi ça sert de réinstaurer la vie vu ce que vous en faites. Oui. Oh, et lui dit. Alors il lui dit, mais il y a beaucoup de choses à préserver, des choses magnifiques comme l'Andouillette au Chablis, je crois. Il semble qu'il donne cet exemple. Non mais il rentre en négoce, c'est bon, tu sauves le monde, ne va pas faire ta. Enfin, tu vois, après ce que t'as vécu, que ta diva, putain, on vient de mettre les pierres là, t'as pas vu comment on s'est fait chier là, on met les pierres et là t'as changé d'avis. Et elle va quand même le faire parce qu'il va lui murmurer je t'aime. Oui. Bah oui. Est-ce que c'est pas un beau message? C'est ça beau. Ouais, c'est surtout un gros filou parce que je l'ai vu fricoter avec une autre gonzesse avant. c'est vraiment le je t'aime en l'embrassant pendant qu'elle était inconsciente, donc on est clairement sur du romantique all the way. Ça moi, c'est genre ça, tu commences t'as changé d'avis, je vais te murmurer je t'aime à l'oreille, tu sais, genre ça c'est un peu mais non, ta copine Vanessa, c'est vrai qu'elle est conne, moi je t'aime. Genre c'est vraiment de la manipulation. Putain, elle veut plus mettre les pierres, merde. Ah, je sais. Et alors, du coup, bon, bah là, elle va vers le ciel, la boule de mal va exploser. Ouais, bah non, elle explose pas, elle se cristallise. Du coup, ça fait une troisième lune. Bon, là, c'était malin aussi. Hein. Pratique. C'est bien pour les marées, pour le surfing. Du coup, ça fait une méga météorite qui est surtout à 60 km de la Terre, parce qu'ils le disent avant. Ça cache le soleil. Ça va pas être un peu chiant pour les plantes et tout. Ça doit un peu modifier la gravité, tu sais, genre. C'est quand elle passe. Eh, dis donc, Martine, mes tomates, elles poussent plus, là, y'a plus. Bah, moi, les miennes, elles poussent plus. Elles sont décollées du sol là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter? Attendez, excusez-moi. Est-ce qu'on va vraiment pas parler du fait qu'il baisse dans le dernier point? Non, ils font la chose. Allez, je me casse. Ah ben moi aussi. Ils font la chose. Ils font la chose et on le sait même pas, on le voit pas. Il lui fait un câlin. Et il lui fait un câlin. Attends, ça va. Ils font un câlin sans t-shirt. Ils font pas la chose. Merde, toi tu vois la chose partout. Là tu vois pas leur slip, alors ils font la chose, c'est ça ton truc. Ils font un câlin sans t-shirt. C'est toujours hein. Parce que tu dis des fois t'es coquette, on peut faire un petit câlin sans t-shirt. Ah, quand je suis avec ma meuf, je mets quelques bougies, on fait un câlin sans t-shirt. Je t'aime. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce film? Alors, moi je trouve que vous avez raté les deux meilleurs personnages. Vous avez très peu parlé de Ruby Road, si je peux me permettre, à part que. Et c'est le moment. Spoiler alert, il est pas gay. Bon, voilà. Ah ouais, ça c'est dingue. C'est bah, fou alors. Et le deuxième. Mais c'est vraiment le truc qui sauve limite le film parce que donc, j'ai regardé le cinquième élément hier avec une copine qui l'avait jamais vu. Et elle était vraiment pendant tout le premier tiers, genre. Ok, super, t'as compris, très bien. On est coincé dans un TGV, mais j'ai pas très envie d'être là. Ils sont marrants, tes copains du podcast. Ça fait chier ton truc là. Et vous avez pas parlé de la mère de Corbin Dallas qui a genre les meilleures répliques. Ah oui, c'est vrai. Et qui arrive hyper vite et qui l'embrouille à l'oreille en lui disant quand même, tu vas pas me laisser geler sur la lune alors que tu peux aller à Flotsam Paradise. Je trouve que c'est une des meilleures idées et ça fait partie de ce qui fait que le film trouve un équilibre pas très cohérent, certes. Mais je suis content que tu l'admettes. Je l'ai admis dès le début. Il y a deux, trois trucs que j'avais pas vu. Donc, vous le savez, on est de mauvaise foi. On a un petit peu attaqué le film. J'ai l'impression que voilà, c'est pas notre genre. Mais non, c'est vrai, c'est pas notre genre. Encore une fois, je ne déteste pas ce film. Moi non plus. Il y a plein de choses qui sont bien. Moi, je l'adore. Et effectivement, le personnage de Ruby Rhodes, il est exceptionnel. Il est très drôle. Et en VO, il a un peu la voix de Mickey Mouse, mais il est très, très, très drôle. Il est un peu autotuné, comme Pitbull. Oui, il est autotuné. Comme Pitbull. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Et oui, tout le monde en a un, sauf Antoine. Ben ça va pas dire ça. J'ai 7 commentaires, 5 étoiles sur le cinquième élément, ça tombe bien, c'est le film du jour. On commence avec Simon R, qui est pris d'amnésie instantanée, plus connu sous le nom de syndrome Juvamine, qui dit « Super film, qui vaut vraiment le coup, à voir ou à revoir. » Super film qui vaut vraiment le coup à voir ou à revoir. Super film qui vaut vraiment le coup à voir ou à revoir. 5 étoiles. On n'a pas d'app qui met un petit peu le malaise, qui dit un orgasme cinématographique. Et le pire, c'est que je l'ai eu quand j'avais moins de 10 ans. Bah, il est précoce, oh, c'est hein, il... parce que moi j'ai dû attendre 19 ans. Ensuite, on a Brigitte Hubert. Tiens, tu vois comme quoi elle revient avec les taxis. Je suis très content. Je suis très contente d'avoir de nouveau ce film. Je l'avais déjà acheté il y a longtemps, mais je l'ai prêté à quelqu'un. Et j'ignore à qui. Et cette personne a oublié de me le rendre. Aimant beaucoup ce film, je me suis résolu à le racheter. Je ne le regrette pas. 5 étoiles. Alors ensuite, on a Pascal Dépinay qui titre très sobrement et de manière très courte. J'ai beaucoup aimé ce film. Merci mille fois de me l'avoir fait parvenir dans les délais prévus. Merci Amazon. Ça a dû les me voir, Luc Besson. Oh putain, ça me fait plaisir d'avoir des réunions. Ah, il a reçu dans les délais. Oh, il a reçu dans les délais. Oh là là, ça me fait chaud au cœur. J'ai beaucoup aimé ce film car il était à la fois marrant et aussi parce qu'il traite de la nature humaine. Absolument. Et donc je l'ai beaucoup apprécié ce film. Et le délai dans lequel il était prévu. Merci mille fois, monsieur Dépinay Pascal. 5 étoiles. Alors ensuite, on a Sergent Didier qui oublie des mots. C'est un film que j'ai cherché tout partout. Car je l'avais vu à sa sortie et je l'ai acheté en vidéo. Car il n'y avait pas encore le DVD. Et je l'ai trouvé en DVD quand je suis allé pour la première fois sur votre. Que je l'ai vu, mais en Blu-ray. J'étais très content car il y a plusieurs que je cherche dans le magazine de vente de disques Blu-ray. 5 étoiles. Alors ensuite, on a Ace Kimberly qui a fait une Google Trad, on en a de temps en temps. C'est mes préférés. C'est vraiment bon quand je l'ai écouté. J'ai même pas reconnu Alice dans le film. Ça me surprit beaucoup, pas de elle, mais je parle de ses cheveux orange. C'est pour ça que je les ai pas reconnus, mais elle était très belle. Elle était très jolie dans tous les films que j'ai écoutés de elle. Elle était vraiment bonne et jolie. Et très forte dans les films qu'elle fait. 5 étoiles. Et on finit avec Angel Pirate, qui a un peu de mal avec le mot navet, visiblement. Il a un peu de mal avec le mot navet, vous allez comprendre. Pourtant, on peut l'utiliser quand même. Ouais, bah navet, ça fait 5 lettres, hein, c'est pas énorme. Hein, fait. Grandiose, un des meilleurs films de Besson. En lisant certaines critiques, j'ai vu que d'autres le qualifiaient de navré. Certes, le film ne peut pas être aimé par tous, mais quand même, un navré. Je crois qu'il y en a qui s'amusent à mettre des critiques négatives, surtout quand on voit marquer la même chose, mais pour les films différents, 5 étoiles. C'est vrai qu'on peut pas dire que c'est un navré. Hein. Ah, c'est cool, il y a la petite musique. Alors attention, ça part un peu brésilien au début, et après ça va bien en rail. Voilà, c'était notre avis sur le cinquième élément de Luc Besson. Notre émission... Ah, attends. Ah voilà. Monte un peu. C'est vraiment un 2-3 soleil. Non mais là très bien, c'est... Là il faut imaginer des taxis volants qui envoient des missiles. Et ouais. Mais ça va trop bien. Ah, c'est trop bien, c'est très... Coup de génie, je le mets sur la nappe. En fait ils étaient au couscous, mais c'est pour ça qu'il y a ça. Donc voilà, j'en profite juste pour dire, en fait, j'en profite qu'il y a les caméras, je vends mes notes. Prix de départ 10 euros pour les fans. Hein. Moi je vends un Dell d'occasion, j'ai plus la batterie par contre, mais... Alors, c'était notre avis sur l'épisode sur le film Le cinquième élément de Luc Besson. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de James Bond contre Dr No. Et on sera chez nous, donc on verra plus nos trois nuits. On sera sur le tapis sol coco. Alors je suis mal à l'aise sur cette moquette. Peut-être dire on nous trouve quand même, parce que tout le monde qui nous regarde ce soir nous savent. Alors dis-le. Et bah sur le site de hdp.fr, attention, ne pas taper de hdp.com, c'est un site chinois, on le répète. Ils vendent des médicaments, j'arrive pas à le racheter. Non, on peut pas racheter. Ah, ils sont durs en négociation, les chinois. Surtout qu'on comprend pas ce qu'ils disent. Et sur iTunes. Et puis il y a d'autres émissions. Non, il y a d'autres émissions, d'accord, mais il y a aussi d'autres plateformes, je sais pas, podcast, enfin je sais pas. PodCloud. Ouais, il y a d'autres choses. Alors, est-ce qu'on peut proposer un film, messieurs dames? Est-ce que c'est possible? Comment ça? Et est-ce qu'y a-t-il un moyen de proposer un film à d'autres? Ah mais oui, absolument, il y a moyen de proposer un film. Comment on fait? On laisse un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Parfait. Avec le titre du film qu'on veut voir. Bravo. Et iTunes uniquement. Et on le met dans le chapeau. 5 étoiles uniquement. Et on met un mot gentil parce qu'il y a des mecs genre en titre ils mettent la 9ème porte, commentaire la 9ème porte. Genre vraiment le mec en a vraiment rien smiley, à foutre de nous. Soyez humain. Ouais, au moins un petit smiley quoi. Moi j'ai pas moi, demandé, j'ai ça, imposé. C'est la larme à l'œil. Donc on a beaucoup de films dans le chapeau, il faut le préciser quand même. Voilà. Et alors 300 films. On écoute aussi les autres trucs de Fréquence Moderne. Ouais, faut écouter Sauf qui peut, faut écouter Culture 2000, faut écouter tout ça. Mais vous cliquez sur Fréquence Moderne et puis ça va dérouler. De toute façon là, on est parti, il va y en avoir plein. Est-ce qu'on annonce le concours 2000? Ah oui, il y a concours 2000. Alors comme vous savez, c'est parti. Comme vous le savez, on aime beaucoup l'expression 2000 et c'était une expression qui était beaucoup utilisée avant les années 2000. Mais il reste quelques commerces qui s'appellent Cafard 2000, anti-cafard2000.com, ils se sont mis à la page. Il y a aussi Boulangerie 2000, Boulangerie qui est très bien placée, qui a été proposé, qui est excellent. Garage de l'an 2000. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous nous postiez des photos avec le 2000 et celui qui aura la meilleure photo, celle qui nous fait le plus rire, on choisira son film. On sait pas encore si on l'invite, peut-être pas forcément, mais en tout cas, on choisira son film. Faut nous envoyer une photo pour ça. Ouais, vous l'envoyez sur Twitter, vous nous taguez sur Facebook. Vous nous taguez sur tous les réseaux sociaux, ma boîte aux lettres. Vous pouvez nous envoyer effectivement la photo par courrier, du coup. Ouais, mais bon, aussi pas ou par fax. Moi, j'ai pas non plus, tu vois, je peux pas tout stocker chez moi, hein, mais. En tout cas, le plus beau 2000, mais ça nous fera vraiment plaisir. Comme voilà. Ça, après, on va faire un petit stock. Et donc, on va se quitter là quand même, non? Oui, mais on remercie Mademoiselle. Ah oui, alors oui, putain, merci à Mademoiselle. Oui, ah bah ouais, quand même, un petit peu de respect, attends, c'est. Ah, j'étais dans la bulle, j'étais dans le truc. T'étais dans le rail. On remercie donc Mademoiselle, puisqu'on a merci. De chez eux. On n'a pas du tout présenté le site au début, alors je te laisse le faire parce qu'il y a peut-être des gens qui écoutent deux heures de perdu qui me disent pas mal. À mon avis, il y en a deux parce que. Donc on a 30 auditeurs qui sont dans cette salle. Alors, mademoiselle.com, c'est un site pour les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont pas encore des femmes, mais plus tout à fait des filles. Si on s'appellerait madame.com. Michael. madame.com. Ou madame.com. Bah, en tout cas, Michael le lit. Wesh madame. C'est un site fort sympathique, et je dis pas ça parce que j'y travaille, qui parle aux filles qui ne sont pas celles que vous croyez et qui essaye d'être pas trop neuneux comme d'autres trucs à destination des filles. Voilà. Donc venez nous voir, on fait plein de podcasts et c'est vachement cool. Et toi aussi personnellement quand même, puisque tu as fait la démarche, tu peux te présenter aussi toi, tu n'es pas qu'un. Moi je suis Mimi, je suis rédactrice en chef adjointe chez mademoiselle.com et je fais des podcasts. Et merci beaucoup d'être venue, ça m'a fait très plaisir de vous avoir. Et merci encore à Airquette. Qui a géré la régie comme un chef. Absolument tout. Et qui nous a pas mal aidé techniquement, on va pas se mentir, vous aurez un aperçu il dans le vlog. Il nous a sauvé la vie. Ouais. Il va remplacer Michael la saison prochaine. Hein. Tu n'as rien foutu, toi. Mais clairement, t'étais au bar. Hein. Oui, je pars en Erasmus. Ah non, pourquoi tu dis ça, on peut pas boire un coup. Alors, attends. Qui pose ta bière, toi. Voilà, en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et on s'écoute un peu de rail. Ouais. Allez, c'est fini. Ouais, c'est fini.